Bonjour tout le monde. Yalabu nanya aseo. Onolo nanun mamaya nanun mamaya. Et des sambewayo. Je m'appelle Zoé, je suis médecin. Ne le me Zoé go nanun uisa eyo. Je m'appelle Théo, je suis pianiste. Ne le me Théo eyo nanun pianiste eyo. Je m'appelle Thomas, je suis acteur. Ne le me Thomas ego nanun yonhua beou eyo. Je suis nun yonwangi ayam guagatun teshi eyo. Je m'appelle Nicolas, je suis journaliste. Ne le me Nicolas eyo nanun dija eyo. Je m'appelle Elisabeth, je suis ingénieur. Ne le me Elisabeth Hugo, la non ingénieur et yo.